Ah non, ma réplique est tombée au fin fond de mon imaginaire. Aujourd'hui, le lundi. Ah ben oui, le lundi 24 février 2020. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Eh bien, c'est comme ça qu'on a débuté avec Raymond hier au soir. Il voulait jouer aux cartes. J'ai dit, est-ce qu'on est rendu dans une vie aussi ennuyeuse pour jouer aux cartes? Il y a tellement d'autres choses à faire. Quoique, je trouve, quand jouer aux cartes et faire des châteaux de cartes, les châteaux sont plus intéressants. Y en a-tu des gens qui s'ennuient à mourir? Mais là, s'ennuyer à mourir, c'est quand même bizarre comme expression. S'ennuyer à mourir. Je m'ennuie, mais à vivre, pas à mourir. Parce que la mort, c'est quand même une finalité. Puis la vie, ben, c'est une ouverture vers quelque chose de gigantesque, d'extraordinaire, d'exceptionnel, d'unique. L'unicité est très importante. Unique. Et ce qui est bien quand je me compare à un chevreuil ou un élan d'Amérique, c'est que nous sommes dans la même aventure terrienne. Et c'est pour ça que lorsque je le regarde marcher lentement dans la forêt, avec ses... pas des tentacules, là. Tu te trompes, toi, là. T'as-tu déjà vu un chevreuil avec des tentacules? Oui? Bon. Où était-il, cet animal? À quel endroit? Dans ton imaginaire. OK, là, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai fait voler, hein? J'ai déjà fait voler une fourmi. Là, c'est facile, vous allez me dire, c'est léger, une fourmi. Ça peut s'envoler. Oui, oui, pas envoler. Voler. Il y a une différence entre s'envoler et voler. Voler, c'est de prendre ses ailes et de partir. Un avion s'envole. Des mots, hein, on dit que les... oui, j'allais dire quelque chose. Ah, j'allais dire des choses, là. Non, t'es-tu rendu, toi, là, à faire de la censure? Parce que je peux te dire que de la censure acidulée, c'est devenu planétaire. On veut pas blesser personne, hein? On veut pas trop en dire. On veut se cacher derrière des concepts. Oui, exactement, lourd, hein? Des concepts d'une lourdeur épouvantable, tellement que les gens, quand tu commences à leur parler de tout ça, ils s'endorment. Mais là, ce ne sera pas votre cas ce soir. Ce ne sera pas votre cas aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Dont la première, j'avais l'idée de partir sur une phrase qui allait tellement m'alimenter que je me préparais à faire un 50 heures de radio en continuité. Mais l'idée est tombée dans le fin fond. Dans le fin fond, fin fond, fin fond, ici l'infant. La connaissez-vous celle-là? J'aurais du pain du tendu, fermer ma grand gueule. J'aurais du pain du tendu. Il y en a-tu du monde ici, là? Ah oui, non, on est ici. On est ce soir, là, devant tellement de personnes qu'on se noie. Console-moi. Consomme-moi. Consomme-moi. Consomme-toi. Consomme-toi. Consomme-toi. Consomme-toi. Consomme-toi. Consomme-toi. Consomme-toi. Vite. Hey, j'ai jamais su mes chiffres, moi. 1, 2, 3, 8, y'a pas de problème, on s'en va comme ça, pis là, on est perdu. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça, c'est le cri de « On y va ». Je l'ai rencontré sur le coin de la 3e avenue puis de la 4e, juste à côté de ses QRL. Puis je m'attendais même pas à le rencontrer, « On y va ». Mais il était là, il grelottait comme un petit chimpanzé dans un jardin zoologique en plein air où il n'y avait pas mis de chauffage. Je dis « Hey, hey, hey, hey, viens-t'en, on y va ». On va faire un bout de chemin ensemble, puis on va parler. Fait que là, je commence à discuter avec On y va. Mais il venait pas. Je dis, pourquoi? Il dit, oh non, non, moi, on m'a jamais parlé. Hein, on m'a jamais parlé. On m'a toujours trouvé étrange. Ben voyons donc, on y va. Pour moi, t'es sur la même planète que moi. Fait que viens, t'as, on y va. Il dit, non, moi, je reste ici. Ben voyons donc! Ça fait combien de millénaires que t'es planté là comme un chêne, enraciné dans On y va? Je te donne la chance unique de partir de là, de t'envoler, de prendre tes ailes et de partir avec nous dans un imaginaire extraordinaire. Il dit, oh non, il dit, moi ça me t'a... Oh non, je vais voir, oh non, on n'y va pas. Hey! Là, je me suis fâché. Quand je me fâche, pas beau quand je me fâche. Quand je me fâche pas, je suis pas beau non plus. Dans tous les cas, je suis pas beau. Mais là, j'ai dit, écoute bien. Écoute bien. Tu sais, quand tu dis ça, écoute bien, c'est pas écoute bien. Là. Ah, écoute bien, mon enfant. Je vais vous apprendre les bonnes manières. Déjà là, en vous voyant, il y a là une hiérarchie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes l'être venu sur Terre pour vous épanouir dans la plus pure expérimentation existentialiste. Et hey, là, les petits gars, ils disent « Voyons d'or ». Parce qu'ils parlaient de l'être, « Voyons d'or », ils sont dans des listes, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, rien, il n'y a absolument rien. Mais il ne faut pas, mon cher enfant, vous faire enferroiper par quelques va-nu-pieds. Ben, va-nu-pieds, oui. En hiver, va-nu-pieds, c'est dur en dessous du talon, hein? Et puis, ben, ça gèle. Puis, tu risques de glisser. Donc, j'ai comme... comment dire? J'ai comme... Oui, exact. Oui. J'ai comme vision. J'ai comme direction de toujours aller en ligne droite. Pourquoi zigzaguer? On arrive au même point. Quoique, en faisant des halos, dans des halos, c'est tourner en rond, hein. Puis tourner en rond, il y en a qui sont bons là-dedans. Ah, bon, Raymond de Brisebois, 53 ans, elle tourne en rond. C'est tellement vrai que son mari, qui fait de la construction, il a préparé, parce qu'elle avait un plancher en bois. On a parlé il y a quelque temps, en bois flottant. Mais il lui a enlevé le... Lui, il dit, on t'enlève le bois flottant, ma chérie. Tu creuses tout le temps, tu creuses. Ça me coûte cher, ça, ce bois-là. On va te mettre ça en métal. Elle dit, en métal? Ah ouais, en métal, du beau métal. Tu sais, ça use pas. Ben, ça use du métal, mais ça peut pas creuser. Tu sais, ça prend quand même un vilebrequin ou quelque chose pour péter, pour briser, pour perforer. Mais là, toi, marchant avec tes petites pantoufles en laine, tricotées par Rita. Rita, elle aime pas ça. Elle aime pas ça, la laine. C'est pour ça qu'elle s'est toujours orientée, puis c'est une des seules au monde à faire ça. Tout son linge, c'est en acier. Mais du fil d'acier, tu sais, du fil. Fait que ça... C'est comme l'armure. Tu sais, des bas en fil d'acier, quand tu reçois un coup de pied dans le popotin, ça saigne longtemps. Tu saignes pas du nez, mais tu saignes du trou de pète. Et quand ton trou de pète saigne, il y a des gens qui sont tellement... ils ont des craintes là-dessus, hein? Hey, tu saignes, va voir le médecin. Voyons, dors. C'est juste du sang. Mais oui, mais... Au bout de ton sang, tu vas te vider au bout de ton sang. Me vider au bout de mon sang. Hey, moi, j'ai tellement de sang que ça ne se compte même plus. Fait qu'on a oublié l'unité. On a oublié la dizaine. Puis là, écoute, ma petite, là. On est là à examiner la centaine. Mais quand on se rend compte que le sang, ce n'est pas le même sang, on commence à cailler. Là. Tu te dis, voyons d'or. Est-ce qu'en caillant, je risque de m'endormir? Oh, l'histoire ne le dit pas. J'espère. Comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, mais qu'est-ce que l'espace me devine? Mais qu'est-ce que notre spasme devine devant un châssis bleu et blanc? Regardez-moi tous les flocons qui cultivent leur goût d'être différent. Mais qu'est-ce que mon spasme de vivre? Tous mes amis gisent gelés. Il y en a tellement dans ma fenêtre, je ne peux même pas les compter. Mais qu'est-ce que notre spasme de vivre? Mais qu'est-ce que mon spasme de vivre? Mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que le spasme de vivre? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à force de neiger, hein, ça c'est vrai, à force de neiger, il faut un jour pelleter. Mais là, quand tu parles de pelletage à plusieurs personnes, surtout ceux qui restent dans le sud, tu sais, dans le sud du sud, là, soit en Floride, soit à Nice, soit à Honolulu. Hein? Honolulu. J'aimerais ça aller à Honolulu. OK. Par quel moyen de locomotion? En me tenant sur les couettes de qui? De Fifi Brendacez. Comment ça? Honolulu. Oh, mon doux Seigneur. Ça ira pas loin, ça. Comment ça? Qu'est-ce que t'as contre les Fifi Brand d'Assise? Fifi Brand d'Assise? On parlait d'Assise tout à l'heure, mais ses cheveux étaient pas en Assise. Ce qui tenait ses couettes, c'est sans doute une barre d'Assise. Mais ses cheveux étaient pas là-dedans. Ben, ils étaient, oui, ils étaient entourés de... Mais ils faisaient pas... c'était pas ce que vous pensez, monsieur le juge. Je parle beaucoup de juges, hein? Oui, parce que je crois, et ce que je trouve épouvantable, c'est que beaucoup de personnes jugent, mais n'ont jamais étudié. Ben, étudié, non, je veux pas dire, non, Gaétan, je sais que t'as fait des hautes études, là. Hey, tu montais des escabeaux pour lire du Verlaine. Mais c'est pas ça, les hautes études. C'est pas de monter dans des échelles. Quoique, l'échelle de Richter, là. Richter, est-ce qu'il t'a rappelé hier? Parce que là, moi, il m'a laissé des messages assez bizarres sur mon répondeur. Puis moi, mon répondeur, tu sais, il a pas une pleine capacité. C'est comme mon cerveau, hein, il a pas une grosse capacité. Mais ce qu'il retient, il retient, là. Il oublie pas, puis il s'efface pas. Ça reste. Ça reste pour la vie. Mais c'est ça qui est le drame, hein. Ça reste pour la vie. J'aimerais ça, moi aussi, avoir des fuites. Pas des fuites urinaires, pas des fuites gastriques, mais des fuites intellectuelles. Pour me dire, ah oui, ah ben, moi, je m'en rappelle plus. Non. Ça s'est passé quand, ça? Mais l'intérêt aussi, c'est de jouer le jeu. Tu t'en souviens peut-être un peu, mais tu veux plus t'en rappeler. Oh, hein, ça réveille, là. Ça vous réveille, ça, madame, hein, mademoiselle? Là, on touche quelque chose d'assez unique, là. On vient peut-être de vous déranger, là, dans votre vision de l'existence, là. C'est bien. Il faut ébranler pour avancer. Oh. Il y a un change! Il y a un change! Pas un singe, un change. Parce qu'un change, c'est beaucoup plus vorace qu'un singe. Un singe, ouais, je fais pas bien le singe, hein? On peut-tu avoir un enregistrement de singe? Avant d'aller plus loin, il faut poser des bonnes questions. Avons-nous les moyens financiers de trouver un son de singe? On va aller voir ça. Singe. OK. Au singulier, au pluriel. On veut avoir ouais, c'est ça. La gang de singes ensemble. Ça, c'est comme des hommes dans un bar. OK. Les singes les plus sociables du monde. Bon, OK. Singes, le pouvoir de président. OK. On va prendre celui-là. Quoique, j'en connais le Ouistiti Lion. Oh, ben, on fera pas celui-là. On va écouter de quoi ça a l'air, le son du singe. Okay. Oh, mais ça, c'est épouvantable. Je vais pas trop en parler non plus parce que c'est pas le moment, mais il y a des publicités, là. Puis en plus, c'est des organismes que je ne crois pas vraiment. On va baisser le son parce que si vous trouvez ça, vous allez dire, voyons donc, il dit ça. OK, on va passer ça. OK, on y va. OK. Donc, ils mettent du son. Ah, c'est pas ça que je veux, moi, c'est entendre le singe. Entendre le singe. Bon, on va mettre entendre le singe. Peut-être que je vais me voir la face. Entendre le singe. Ça va bien, vous autres, à la maison? Bon. Je vous avais dit... Non, je ne l'ai pas dit, mais j'avais imaginé que vous pourriez vous préparer une petite tisane à la menthe fraîche. Bon, là, à cette heure-là, la menthe fraîche, hein, il est quelle heure? Là, il est minuit 20. La menthe fraîche, elle doit être un peu moins fraîche. Mais dites-vous si c'est pas vraiment... Juste un verre d'eau. OK? Tiède. Ou on dit quoi, là? À la température pièce. OK? Un verre d'eau à la température pièce que vous buvez en vous imaginant que c'est... Hein? C'est l'imagination qui fait que ça donne quelque chose. Alors, bruit du singe. On va faire bruit du singe. Bruit. Du singe. On va peut-être m'entendre. Bruit. Là, c'est ce qui se passe actuellement. Bruit du singe. Oh, OK. Ah, oh, là, j'aime ça. Ah, oh, oui, oui, oui. Alors, on va prendre cri du singe. Ah, oh, parfait. On y va avec ça. Là, on n'est pas dans un porno, mademoiselle. Là, c'est juste le bruit du singe en tant que tel. Ils veulent s'exprimer. Puis je trouve que, sincèrement, est-ce que vous vous souvenez de Léo Ferré, qui avait un singe qui s'appelait Pépé? Et puis, dans une chanson que Gainsbourg n'a pas appréciée, il disait qu'il avait les oreilles de Gainsbourg, mais lui n'avait pas besoin de scotch pour, je sais pas, pour se la péter ou quelque chose du genre. Et ça avait vraiment fâché Monsieur Gainsbourg, et je le comprends très bien. Quoique, on peut avoir des oreilles de singe, hein? Mais en même temps, pourquoi pas? Puis pourquoi gêner? Ouais, tu peux le dire à tout le monde. Ouais, c'est OK, j'ai des oreilles de singe. Mais j'ai une tête de chou. Un oisillon. Un oisillon mort, un stylo cassé. Une femme vieille, une vie ratée. Ah, tu n'es pas sorti du trou. Ah, tu ne sais pas tu es où. Problème de mon poêle, j'en ai du poêle. J'en ai un peu moins sur le caillou. Parce que il s'est passé quelque chose. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment. Mais un jour, j'ai du poêle au-dessus du caillou qui a décidé, lui, sans me le dire, tu sais, appelez-moi, je demande à mes. Actuellement, attendez, là, je vais brancher mon... Il y a un petit problème technique. Vous le savez pas, hein? Bon. Continuez à parler entre vous. OK. Pendant ce temps-là, je rentre ça là-dedans. OK, c'est parti. On y retourne. OK. Donc, ce que je demanderais à mes cheveux, la prochaine fois, c'est que si vous avez le désir de quitter mon crâne, appelez-moi. Moi, vous donnez mon numéro de téléphone. Fait que là, mes cheveux, hein, j'ai des écouteurs, oui, effectivement, de haute qualité. J'ai un micro de haute qualité, mais j'ai un discours de basse qualité. On peut pas avoir toute la... Ouais, c'est ça, là. On essaye, on tente. Mais c'est pas parce qu'on tente qu'on arrive à... Bon. Alors donc, qu'est-ce qu'il voulait dire l'insignifiant? Ah oui, c'est ça, c'est que... Prépare-toi, mon cheveu, si tu veux me quitter, il faut simplement m'en avertir, puisque j'aurai peut-être un discours qui va te faire en sorte, qui va faire en sorte que tu voudras bien rester dans ma cime qui me sert de tête. Bon. Puis, si tu es trop timide pour le faire, ben, j'ai peut-être un dialogue à te proposer maintenant. Là, c'est le moment émotion, OK? Bon, j'espère que vous êtes prêts. Moi, j'ai comme un... Oui, j'ai un garlotte qui garlotte. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années pour qu'un jour, vous vous dites que vous vous... Non, pour qu'un jour, vous vous disiez... Je perds mon français, réellement. Je suis plus capable. Je vois ça tomber, là. Ah non, non, c'est pas les feuilles de l'automne. On n'est pas en automne, là. On est au mois de. On est au mois de février. Le 24 février, il n'y a pas une feuille qui tombe. Il y a de la neige. Mais là, moi, hiver comme été, printemps comme étant comme été. Et Gaétant comme été. Gaieté comme étant. Mes dents sont propres. Ah oui, moi je les brosse régulièrement. Surtout le soir. avant le roupillon, le dodo. Mais non, mais non, attendez. Il y a plusieurs. Oui, je sais, je vais appeler mon cheveu, faites-en pas. Ouais, il y a plusieurs sommeils, hein. Il y a le roupillon. Le roupillon, là, tu t'endors pas longtemps, là. C'est pas pour la nuit. C'est juste une petite. Bon, moi, je mettrais trois petits points de suspension. Tu sais. C'est. Ça dure le temps d'une publicité. T'écoutes un film, malheureusement, il y a une pub. Imagine-toi que Jean-Luc Godard... Non, imagine-toi mieux que ça. Imagine-toi mieux que ça, voyons donc. Jean-Luc Godard, à bout de souffle, il avait décidé, il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans, de présenter son père. En tout cas, on lui a dit, le film sera diffusé dans une télévision, sur une télévision commerciale. Donc, on doit placer des publicités. Godard a eu l'intelligence, et puis en plus, en même temps, il se foutait de la gueule de la télé qui le diffusait. Je vais couper, je vais vous dire à quel endroit, précisément, vous allez placer votre publicité. Et il l'a fait. C'est un jeu, moi j'adore Godard. Oh, soigne ta droite. Quand tu vois les Rita Mitsuko au travail, le film en soi, c'est un régal. Bon, lui, c'est un monstre. Un monstre sacré, mais un monstre. Un peu comme Kubrick. Hein? Kubrick, là, tu disais oui, c'était pas pour le mariage, là. Oui pour le film. Ça dissociait bien des couples. Kidman et puis Cruise, là. Et bon, doux Seigneur, les yeux grands fermés. Ça brisait un couple qui était ensemble depuis Belluron, l'allurette, Bellurette, l'alluron. Ça fait que, tu sais, il faut que tu fasses attention. Quand tu dis oui pour un... oui, exactement. Vous avez raison, Mme Thibodeau. Si vous dites oui pour une aventure, ben, il faut savoir évaluer vers où ça peut nous mener. Vers où ça peut nous catapulter. Parce que quand ça catapulte, là, tu reviens plus, là. Ah ben oui, là, tu te places, ah ben oui, là, tu te places juste sur le bout. Il y a le réalisateur, tu sais, le réalisateur, un réalisateur, c'est quelque chose, là. C'est plus que quelque chose, c'est quelqu'un, en plus. Mais il y en a des plus faillés que d'autres, j'en connais. J'en ai même rencontré à mon émission. Je nommerai pas. Mais non, je nommerai pas parce que c'est des amis et je les adore. Mais ils sont très 100%. Là, ils sont rivés sur leurs œuvres. Si tu fais pas ça, on continue plus là-dedans. On arrête. Je vais changer. Moi, l'actrice, là, si tu veux pas faire ça, il n'y a pas de problème. Il y en a plein qui sont prêts à jubiler quand je leur dirai « J'embarque dans ton univers ». Mais embarquer dans un univers, c'est embarquer dans un monde. Un peu comme en amour. En amour, c'est des planètes. Tu t'en vas vers l'autre. T'es là dans ton scaphandre. Hey, je suis où, moi, là? Excuse-moi, j'ai attrapé la grippe. La grippe. Ah, ouais? Ah, ben, ah, ben, ah, ben. C'est comme ça, chérie Tommy Blow. Oh! Il y a un petit foyer. Ah, il y a un petit foyer. Ah, oh, c'est du trésor. Oh, hé! Hey. Il y a des enfants. T'as des enfants? Tu me l'as pas dit? T'es une secrète, hein? Ça me dérange pas. J'aime ça, les enfants. Oh, oh, oh, oh. 350 dans le four avec un petit oignon, là. Oh. C'est une blague. Je fais de l'humour. Moi, je tente l'humour. Tente cet univers-là. Ah ben, ah ben. Il y a des amants. Des amants. Ouais. C'est intéressant. Fait que moi, je peux m'en aller quelques jours, puis t'auras pas de problème, là. Puis je suis parti de quoi là-dedans, là? Je suis qui dans cet univers bizarre venu d'ailleurs? Oh! Je suis le menu principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Tout le monde se rassoit. Seul homme me jette dans un profond témoin. Je m'en vais consulter le magicien d'Oz. Peut-être peut-il m'expliquer le comment du pourquoi que je m'albuzz. Wake and bake. Wake and bake. Wake and bake, wake and bake, wake and bake, wake and bake. Je la recommence parce que ça a été parachuté. J'aime ça le mot parachuté. Parachuté. Avez-vous déjà essayé en été, au printemps ou en automne, mais pas en hiver, je ne vous le conseille pas. Mais si vous voulez le faire en hiver, c'est votre problème. De vérifier les étoiles. Vérifier, ben oui, tu regardes les étoiles. Regardez, ben tu observes, observez. Hé, hey, monsieur, laisse faire. Toi, là, passe ton tour, notre vote. Non, non, laisse faire, laisse faire. Tu peux pas comprendre. Comment ça, tu peux pas comprendre? J'ai pas l'intelligence! Je te connais pas trop. Je peux pas aller plus loin là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que le ciel nous parle. Le ciel nous parle. Ben oui, quand il pleut, ah ben ça me parle. Quand ça neige, ah ben ça me parle. Quand il fait beau, ah ben ça me parle. Puis quand il fait noir, ah ben ça me parle. Bon, ben ça te parle-tu? Ben ça me parle. Bon, pourquoi tu me disais non avant, là? Ah non, mais je comprenais pas. Ben quand tu comprends qu'est-ce qui se passe, hein, ça me parle. Bon. Arrête de parler. Puisqu'on se croirait dans la mafia. Parle plus bas, car on pourrait bien nous étendre. Nous étendre. La comprends-tu, nous étendre? Non, t'as comprends pas. OK, t'as jamais été étendu, toi, hein? Sur du pain tranché, 42 mm, avec de l'amour. Je vais juste vous relater une petite histoire. Une petite. Dépendant du dérapage, ça peut être une longue histoire. Je m'en vais faire des rencontres à chaque année. Cette année, c'est exceptionnel, c'est deux fois. Parce que j'ai eu la chance de le faire. Mais normalement, c'est une fois par année. De rencontrer des artistes. Et à travers tout ça, il y a des chouchous. Tu sais, des chouchous, là. Ceux qu'on aime, qu'on voudrait amener dans notre valise, puis les présenter. Hey, je te présente un peu comme les... Je te présente mon ami. En plus, cette personne-là a tellement de choses à dire de brillant. Sa musique est incroyable. C'est plaisant. C'est beau. C'est merveilleux. Il y a des chouchous comme ça. Il y a des chouchous. Puis c'est chou d'avoir des chouchous. Ça fait du bien au cœur. Parce qu'on voit que tout est universel. Hein? Il y a des chanteurs, des chanteuses, des groupes qui sont un peu plus comment dire, silencieux dans l'industrie commerciale et qui essayent de recréer un peu ce qu'on entend un peu partout à la radio. Mais il y en a d'autres qui nous prennent au cœur et au corps. Eh bien, ce soir, c'est un peu mon cas. J'ai eu 4 coups de cœur en 2019. Là, vous allez me dire, ben ouais, mais t'es en 2020, je sais, mais quand je les ai vus à cette époque-là, c'était en juillet 2019. Ça a-tu l'air d'être compliqué? Ah, ben moi, là, écoute bien, le temps. Le temps d'une chanson. Le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson, et moi je t'aime. Là, ça vient pas de moi, ça. Ça vient du grand Claude Léveillé. Des airs au compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Put. J'ai des horaires de bonheur à revendre. Moi j'ai un Mac en croco, les plus beaux que Rocco, hybride dans la nuit. La longueur de ses chaînes me déchaîne et je traîne sans lui. J'ai des airs au compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Butte. J'ai des horreurs au compteur, des trésors. Si vous aimez la glisse, la rondeur de mes cuisses. mon tarif de minuit, c'est 110. Je m'appelle Sandy Pute, j'ai des heures au compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Pute, j'ai des horaires de bonheur à revendre. J'ai commencé à 20 ans, j'avais encore mes dents. C'est pas la neige, celle qui réchauffe aujourd'hui mes allées venues presque nues. Je m'appelle Sandy Pute, j'ai des heures au compteur, tellement d'heures. Je m'appelle Sandy Pute, j'ai des horreurs au compteur, des trésors. Je j'ai des horaires de bonheur à revendre. Je m'appelle de Sandy Pute. Au septième, je vous emmène, oui. Chambre numéro 7, Sandy Pute. L'histoire que je vais vous raconter est réelle. Au début de sa carrière, il y a une chanteuse québécoise qui travaillait le folk, puis c'était super intéressant, c'est encore très intéressant. Et elle avait appelé un ami graphiste pour lui faire des cartes de visite. Hein? Et il a accepté. Non, c'était pas un ami, excusez-moi. Elle l'a appelé, non, parce que sinon, c'est... Ça, mais c'est vrai, l'histoire, là. On recommence pas, c'est ça, l'histoire. Donc, elle appelle quelqu'un qui peut faire des cartes de visite. Et elle lui dit, ben écoutez, je suis prêt à payer, là, si vous voulez indiquer que je suis une auteure, compositrice, interprète... Et je vous laissais mon nom avec mon numéro de téléphone. Et puis, il n'y avait pas de courriel à l'époque, mais en tout cas, mon numéro de téléphone. Puis les gens, lorsque je ferai des spectacles, je vais distribuer tout ça. Puis, ils pourront communiquer avec moi pour que je puisse aller faire des concerts où ils voudront bien que je place ma guitare. Donc, le graphiste dit, mais écoute, si je peux faire de l'argent, il n'y a pas de problème. Alors, il dit, oui, votre nom? Ben elle dit, Diane. OK, Diane. Puis là, elle dit son vrai nom, Diane Bell. OK, Diane Bell. Et lorsqu'elle a reçu ses cartes, 10 000 cartes, ce n'était pas écrit, c'était écrit auteur, compositrice, interprète. Le numéro de téléphone était exact, mais le mec s'était trompé. Il n'a pas écrit Diane Bell, mais Diane Tell. C'est une histoire vraie. 100% vrai. Allez aux sources. Étendu C'est Diane Bell, mais pour les cartes et le reste de sa vie artistique, elle s'est fait appeler Diane Tell. C'est fou, hein? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Aujourd'hui, et là, je vous présente un coup de foudre. Je l'ai comme entamé ou presque vers la fin, là. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, le lundi 24 février 2020, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Ben oui! Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la comédienne, auteure, compositrice, interprète, Sophie Le Cam. C'est une fille que j'ai endossée dès le début. Donc là, il me fait plaisir de lui consacrer une émission tout à fait particulière à la hauteur de son génie. Donc, lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait pas lancé son LP, son disque de 8 titres. 6, 7, 8. En tout cas, de 8 titres. De quelques titres. Mais des beaux titres. Des beaux titres. Ah, des beaux titres. Ah, je te dis des beaux titres. Ah, mon Dieu. Et donc, elle avait la pochette. Elle me l'a montré. C'était une belle rencontre avec une fille extrêmement brillante qui aura le succès qu'elle mérite. Mais, comme je dis souvent, il y a une chanson de Bachung qui en parle. Petit à petit, puis c'est une expression aussi populaire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors voici mon oisillon, Sophie Le Cam. C'est beau, hein? Mon oisillon, c'est gentil. Alors on y va. À partir de maintenant, c'est 100% Sophie Le Cam. C'est parti. Michel Sardou, Michel Berger, Michel Delpech, Michel Jonas, Michel Polnareff, Michel Thor, Michel Fugain, Michel Legrand, Michel Dutronc, Michel Drucker, Michel Michon, Michel Sardou, Michel Berger, Michel Delpech, Michel Jonas, Michel Polnareff, Michel Thor, Michel Fugain, Michel Legrand, Michel Goldman, Michel Mabel. Bonjour. Ah ben oui, le retour. Mais on se connaît, non? Oui, on se connaît, oui. Oui, où? Vous étiez assis là-bas la dernière fois. Mais non, c'était l'année dernière. Ben oui. Ben oui, jus de fraise. Ben là, ça fait longtemps. Là. Oui, mais, je sais que je vous connais. Ben oui, je viens ici à chaque année. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est... Ben, je voulais pas trop le dire parce que j'aime ça quand les gens essayent de se demander à quel endroit on s'est vu. Vous faites encore du jus de fraise? Ben, ouais. Ben, c'est votre grand succès, donc j'en prendrai un, s'il vous plaît. Merci. Je vous mets de la glace avec mon chat? C'est mieux ou c'est pas... OK, ouais, ça va trop diluer. OK, merci. Parce que je rentre chez moi. Oui? Où? Chez moi. Mais c'est où chez toi? La rue des Abbesses. Okay, OK, tu termines. Ouais. OK. Ah, oh, je pensais que tu t'en allais. Okay, tu quittais. Ouais, ben oui. Oui. Ah non, sinon chez moi, c'est la Normandie. Oh, OK. Ah, c'est bien. Ben ouais, c'est. Merci, Non, mais parce que je suis pas si indiscret que ça. Hein. Je pensais que tu t'en allais vraiment dans ton patelin, dans ton coin. C'est pour ça que. Ah oui, mais à un moment donné. Un jour. Ouais. Okay. Quand j'aurai assez d'argent, je montre à mon auberge en Normandie. Ah oui, oh! C'est bien. Et fini Paris, vive la campagne. Oui, il n'y a que ça de meilleur dans la vie. C'est la campagne, c'est la nature. La tranquillité. Pouvoir avoir les pieds dans la boue. La tranquillité. Ouais. Salut. Ça, salut. Je t'ai pas rendu ton argent, chérie. Oui, oui, tout est bon. Merci. Ronald. Allô, Sophie. Ça va? Mon Dieu. Ça va et toi? Non, parce que tu m'as... comme surpris, j'étais dans mes rêves. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. C'est ça, exactement. Un peu violent. Oh non, mais c'est bien. C'est une entrée en matière assez éclatante. Sinon, ça va? Ouais, et toi? Pas trop chaud? Si, un peu, mais... Ouais, mais tu veux, hein, on voit que je fais les terrasses, hein? Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, tu fais... Oui. Tu fais des interviews 10 heures par jour ou quoi? C'est ça, à peu près. Mais ça ressemble à ça, étrangement. Mais là, je me suis déplacé pour emmerder vraiment les cafés d'une manière... Ah oui, équitable. Ah, équitable. Ah, ouais, voyons. On voit pas, hein, quand même, on voit pas... Il faut pas que les... ce soit juste aussi. Oui, question de justice. Mais parce que tu t'en rends compte qu'à un moment donné, t'es plus t'es apprécié. Plus bien... Ah ouais, à cause de... Ben, parce que, comme là, j'en ai rencontré 4 au Sancerre. Ouais. Donc, là, j'ai dit, ben, on va aller ici. Ouais. J'essaie de distribuer tout ça. Le matin, c'est au... non, c'est ici, c'est au Café Bruant. Ouais. Donc, parce que moi, mon auberge de jeunesse est au Bruant. Elle est en bas du Bruant. Donc, j'ai juste à monter et je suis arrivé. OK, OK. Mais Sophie, très contente de te rencontrer. Ben oui, comment tu m'as découvert? Tout le monde dit ça. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui... Ben en fait, on a des amis en commun. Ouais. Et j'ai vu Rosie-Marie il n'y a pas longtemps. Oui, ben oui. Là, ben voilà. Hier. Hier, ouais. Hier, ouais. Et puis, ben toi, tu fais plein de choses. T'es chanteuse, auteur, comédienne, donc plusieurs arts. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? Est-ce que c'est le travail? Parce qu'on a déjà commencé. Ah, c'est enregistré là? Ben oui, ah, oui, mais bravo! J'espère absolument hyper rien. Naturel comme ben ça. Oui, ah, ouais. C'est merveilleux. Quel voleur! Mais normalement, je le dis pas, mais parce que les gens s'imaginent après 20 minutes que j'ai pas parti les magnétos, puis ça les rend un peu instables. Donc, ah bon? voilà. Alors, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment le travail de création qui te plaît pour toucher à tout ça ou si c'est. Pour que je fasse ça tout seul, tu veux dire? Ben, en fait, pour faire de la musique, pour faire ah, tout de ça, la pardon, j'ai compris. Ouais. Tout ça, les sous. Non, moi, ce qui motive le tout, c'est vraiment l'envie d'être sur scène, en fait. OK. C'est la scène qui me force à faire les choses. Ah, qui te force? Ouais, hein, ouais. Bon, t'es pas chanceuse, hein, quand même. Mais qu'est-ce qui t'a donné la piqûre, enfin? Est-ce que tu voulais faire des petits spectacles? Alors, chanteuse, j'ai toujours... Enfin, j'ai très tôt eu envie de faire ça. Okay. C'est la passion de la chanson, en fait. J'écoutais énormément de chansons depuis petite. Quelle sorte de chanson? Alors, beaucoup ce qu'écoutait mon père, et donc beaucoup Charles Trenet, Paul Naref, Salvador, Dutron. Okay. Donc, très jeune, j'ai beaucoup écouté ces chanteurs-là. Et puis après, je me suis fait aussi un peu ma propre culture, mais... Je connaissais énormément de chansons de Charles Trenet par cœur. C'était mon chanteur préféré quand j'étais petite. Puis surtout qu'il y a 400 chansons à peu près à son actif. Il y en a énormément. Il y a un répertoire incroyable. 400, je crois, plus. Hein. J'avais entendu 1000, moi. Ah, parce que là, j'ai parlé à Marc Avec, qui est un chanteur. Ouais, ouais, je vois qui c'est. Ouais. Ben, il m'a dit 400. Ah ouais? Ah ben, j'ai peut-être extrapolé. Mais 1000, c'est beaucoup, là. 1000, c'est énorme. Mais tu vois, Claude Lemel, qui lui est auteur. Claude Lemel. Il est auteur, c'est un des plus grands auteurs de chansons. Il a écrit énormément pour Joe Dassin, énormément pour Reggiani, énormément pour Fugain. Ah oui, ok. Il a plein de... L'État indien, c'est lui avec Delano. Est-ce que tu veux me le renommer? Claude Lemel. L-E-M-E-S-L-E? Ouais. Ah oui, oui, je le connais, ben oui. Ah oui? Oui, ben oui. Lui, il a 1000 chansons à son actif. Oui, mais lui... Mais lui, c'est pas la même chose. Bah lui, il avait des commandes aussi. C'est ça, mais il écrit pour d'autres. Et ouais, bien sûr. C'est pas la même chose. C'est Charles Trenet. Ouais, ouais, ouais. Il a jamais écrit pour d'autres. Je sais bien. Mais je me dis que c'est possible, 1000 chansons. Charles Trenet? Mais non, mais tu dois avoir raison. Je pense que Marc Avey est peut-être mieux renseigné que moi sur le sujet. Mais bon, c'est déjà énorme, 400. Gainsbourg en a fait 222. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, alors que lui, en plus, il a écrit aussi pour les autres. Oui, exactement. Ouais. Ah, mais là, 222, ça, je sais pas si ça inclut les chansons des autres. Ah oui, voilà. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de chansons. Énormément de chansons. Okay. Donc, en fait, ce qui m'a passionnée de chansons dès le plus jeune âge. Et puis, parce que moi, j'ai commencé par le théâtre et de formation, je suis comédienne. La chanson, ça fait 4 ans à peu près. Okay. Et ça, le théâtre, c'est les Deschiens qui m'ont donné envie. Qui? Les Deschiens. Les Deschiens. Je sais pas si tu connais ça, toi. Je sais pas si ça a passé la frontière, québécois. Si ça allait jusque chez vous. Ouais, c'était des sketchs. Ah, les chiens, ben oui. Ben, en fait, ils ont fait la parodie de Gainsbourg, ils ont fait la... Oh, oui, oui, entre autres. Avec l'incroyable, comment François elle s'appelle? François Morel, non? Ah, non, François Morel est très connu, mais elle a fait des films oui, aussi. Oui, Yolande Moreau. Yolande Moreau, oui. Merveilleuse, ben oui. Ouais, ouais. Ah oui, c'est toujours le mur et... qui descend et qui remonte avant chaque... Alors c'est elle qui t'a donné, ben c'est ce groupe-là qui Ce groupe-là, ouais, qui m'a donné envie de... De faire des sketchs. Bah, J'ai jamais fait de sketch, moi. Okay. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de faire du théâtre, de la scène, de la fantaisie. Mais parce qu'eux autres, ils étaient vraiment dans la ludicité. Ouais, eux, ouais. Mais parce que moi, j'aime beaucoup l'humour aussi, comme tu as pu le constater. Oui, ben oui. Oui. Mais même donc, ça m'a touché, ouais, ouais. Oui, mais surtout que tu travailles un peu le clown aussi. Oui, c'est ça. Enfin, oui, ouais. Oui, oui. Quelque part, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a attiré? Étant jeune, tu voyais tout ça se présenter à toi, la musique grâce à tes parents, après ça la télévision avec cette émission-là. Donc, ça s'est forgé tranquillement dans ta tête. Ben ouais, j'ai mis beaucoup de temps. Okay. Parce que j'ai eu envie de faire du théâtre un peu dans les années collège, tu vois. Oui, ben donc oui. Au début de l'adolescence. Mmh. Et je m'y suis mise seulement en terminale. Oh, pourquoi t'étais... Eh ben, j'osais pas. Ouais, j'osais pas. J'ai perdu beaucoup de temps comme ça. Mais et la chanson... Mais pourquoi t'osais pas, t'étais la timidité? Ouais. Ouais, la timidité, ouais. La timidité, et puis peut-être aussi le fait de pas avoir dans mon entourage quelqu'un qui fasse ça aussi. Ah ouais, une référence. Et une référence, ouais. Et du coup, de trouver ça assez extraordinaire... Et de ne pas aussi y aller aussi par mes connaissances, en fait. Et surtout, tu ne connaissais pas comment tout ça allait se produire en ne côtoyant pas ce genre de monde-là. Tu exactement. Exactement, ouais. Ça me paraissait un peu... surréaliste. Complètement, ouais. Complètement surréaliste. À le miracle du quotidien, le petit bonheur dans les petits riens, voir comme je nais tout en vert doré, pour être heureux c'est ça l'idée. Par exemple si on prend ma journée, je me suis levée à midi du matin, non mais c'est bien aussi être dans rien, faut savoir goûter l'oisiveté, on est libre, libre de renverser des chocs à pic dans son plumard à minuit 8, après 7 heures de Game of Thrones, avec quand même 34 minutes de pause. Sur Facebook, vraiment ma vie, c'est la loose totale. Je suis en loose totale, ah, la loose, la loose. C'est la déglingue. Par exemple, si on prend hier, y'a eu un vrai moment de liesse. C'est la déclaration dans mon espace personnel, dans ce monde féerique qui est pôle-emploi.fr. Des deux cachets que je me suis fait en 6 mois. Déguisé, pardon, non costumé, en reine des neiges pour les 6-9 ans. Et toujours cette notion de liberté, libérée, délivrée. La décadence, c'est la loose totale. Je suis en loose totale, ah, la loose, la loose. C'est la déglingue. Par exemple, si on prend demain, je rejoins mon mec en 2 heures de train. Ah pardon, non, j'avais zappé ça. Je me suis fait larguer il y a 3 mois. Passion pour la position fœtale. L'avantage c'est surtout niveau poids, 8 kilos de moins avec le futal. De plus par contre, en termes de poils, bout du rouleau, plus de dignité. C'est la loose totale. C'est la déglingue. Je suis en loose totale. C'est la loose, la loose. C'est la déglingue. Ultime espoir, solution coiffeur, un Frank David, coupe plus couleur. Retrouver un minimum d'ego, couper tout le sale en 3 coups de ciseaux. Je sens, bah n'hésitez pas, bien taillé dedans. Là je suis vraiment en mode gros changement. Bien blond, bien bien, rock'n'roll. En fait je crois, je suis une meuf rock'n'roll. C'est la loose totale. Je suis en loose totale, ah, la loose, la loose, c'est la loose totale. C'est la je suis en loose totale, j'ai une coupe au bol et des cheveux jaunes, comme Édouard Calard en CE2. Donc j'ai mis un peu de temps. Et puis la chanson, ce qui m'a aidé, c'est de commencer à jouer de la guitare. Et ça, c'est venu beaucoup plus tard. Et... T'as commencé à jouer de la guitare à quel âge? Bah, il y a 5 ans. Oh, ok. Avec des cours ou toi-même? Non, moi-même, ouais, okay. ouais. Et je compose toutes mes chansons à la guitare, en fait. Ok. Comme beaucoup. Donc en fait, j'ai commencé la guitare, je me suis mise à faire des chansons, et c'est comme ça que je me suis mise à faire de la chanson. Ouais, okay. On va, t'inquiète. Et puis, comment la chanson est arrivée à toi? Quelle sorte de chanson que tu voulais faire? Est-ce que c'était déjà... veux-tu quelque chose à boire? Ah ouais, j'ai soif. Bonjour. Je veux bien un verre de jus d'ananas, enfin un jus d'ananas, pour vous. Et un verre de jus d'eau. Et un verre d'eau. Tu fais un AVC, je crois. Un verre d'eau et un jus d'ananas. Très bien. Ça va aller. Alors, mais c'était voulu? De quoi? Le petit calembour. Pas du tout. Okay. Non. Alors donc, mais ça avait l'air vraiment. Ah ouais, c'était bien, t'as aimé. Ah, c'était super. Je propose que tu coupes et qu'on fasse croire que c'était voulu, comme ça j'aurais l'air. Parfait, oui. Ouais. On dira pas. Donc, c'est ça, mais la musique, qu'est-ce qui t'a amené à prendre le crayon pour écrire des chansons? Et c'est l'envie d'être sur scène. Enfin, c'est de me dire, ah ok, enfin, donc en résumé, j'ai une guitare, j'apprends à jouer de la guitare, je me dis, tiens, ah oui, mais il y a aussi que j'ai écrit une chanson au mariage pour une copine, pour son mariage. Ok. Et j'ai écrit une chanson pour son mariage, et ça a super marché. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Et ouais, ils sont encore ensemble. Parfait, tout va bien. Et comme en fait, moi, depuis petite, j'avais ce fantasme-là, ce rêve-là, complètement dissimulé, je l'avais dit à personne. De faire ça, et là je me suis dit ok, essaye d'en écrire pour toi en fait. Et en un été j'en ai sorti 10, tu vois. Et à la rentrée j'ai fait un premier concert, et puis après je me suis plus arrêtée. Mais qu'est-ce qui t'a... Le créneau que tu voulais emprunter, est-ce que c'était déjà... est-ce que tu l'avais déjà imaginé? Ou si tout était à faire, avais-tu déjà un style? Voulais-tu un style particulier? En fait j'ai pas réfléchi au style que j'allais faire. Il m'est venu naturellement, je pense, à cause de mes influences, à cause de tout ce que j'ai écouté. Je me suis pas dit, je voudrais faire tel type d'écriture et sur tel type de musique. J'ai jamais peut-être à tort d'ailleurs. Jamais trop réfléchi à ça, ouais. Mais c'est mieux, c'est instinctif. Ouais, voilà, c'est instinctif. Mais la première chanson, est-ce que tu t'en souviens? À quel moment tu l'as écrite et La première, c'est pour le mariage, là. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, donc je m'en souviens. Et ça racontait quoi? Ça parlait de l'enfance. En fait, ça parlait de la ça s'adressait donc à ma copine. En fait, on a grandi ensemble, tu vois. On se connaît depuis qu'on a 3 ans et tout. Et donc... ça racontait des souvenirs d'enfance, tout en disant le temps a passé vite, maintenant tu te maries et tout. Alors il y a une rupture là, qui s'opère. Ouais, l'idée c'était de dire il y a une rupture, mais essayons que ça en soit pas une. Ok. C'est à peu près ça. Est-ce que tu la chantes encore? Non, j'ai jamais chanté sur scène. Ok, elle s'est chantée juste entre amis. Là, oui, pendant le mariage. Et l'accueil quand tu as chanté, parce que là, tu as vu que tu avais peut-être de l'intérêt. J'ai vu que ça avait suscité un intérêt plus grand que juste c'était sympa pour le mariage. C'est-à-dire que les gens me venaient me voir en me disant putain, mais ça m'a vachement touchée, mais tu fais ça depuis longtemps. Moi, non, c'est la première fois que j'écris une chanson. Enfin. Mais c'est super et tout, et donc c'est flatteur, ça m'a encouragé à poursuivre. À commencer en fait. En fait, ça m'a encouragé à commencer. À poursuivre la deuxième chanson. Oui. Ça m'a encouragé à commencer cette envie quoi, qui me traînait depuis tant d'années. Et qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Je me dis, en fait, dans l'ordre, je me dis, ok, donc je voudrais être chanteuse et je voudrais faire de la scène, donc il me faut des chansons. Il me faut des chansons, donc il me faut des sujets. Et là, je cherche, sur quoi je pourrais bien écrire, qu'est-ce qui m'intéresse, ou quelle blague me fait marrer à développer, ou quelle émotion me travaille en ce moment. Et c'est ça qui m'amène au stylo. Et qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui pour te faire prendre le crayon? Est-ce que c'est la vie de tous les jours? Est-ce que c'est toi vis-à-vis l'entourage? C'est soit les gens, soit des émotions que je vis, soit des blagues que j'ai envie de développer sur plusieurs vers et ça fait une chanson. Des trucs cons. Est-ce que tu vas plutôt vers l'humour, un peu comme Bobby Lapointe? C'est 50-50 en fait dans mon répertoire. Alors, c'est 50-50, sur les chansons, c'est 50-50, de mélancolique et de drôle. Par contre, sur scène, ça va clairement dans l'humour. C'est-à-dire que c'est très mis en scène, il y a des sketchs avec les musiciens entre les chansons. Ça, c'est ton côté comédienne. Ouais, ça, c'est le côté con. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Ah oui, mais c'est bien, c'est bien. Donc, les entre-chansons sont très travaillées et. Ok, c'est travaillé. Il y a beaucoup d'absurdes. Improvisé. Non. Non, c'est pas improvisé. Et tu laisses pas la place à l'improvisation encore? Un petit, il y a une petite part quand même, parce que le public lui-même, parfois, il peut intervenir et alors je rebondis dessus et tout. Mais c'est quand même assez carré, quoi. Ok. Et je trouve que c'est important que ce soit carré pour le rythme, pour... Pour savoir où tu t'en vas aussi. Ouais, savoir où je m'en vais aussi. Mais surtout pour des histoires de rythme. Ok. De rythme, c'est important en fait, le rythme dans le concert, parce qu'il y a des temps de silence qui sont importants à laisser, et c'est ça qui est drôle. Et donc, faut pas qu'il y ait de mou, parce que s'il est mou, ils sont pas contrôlés, on se fait chier. Enfin, tu vois, c'est comme au théâtre, en fait. Le rythme, s'il est pas bon, ça va pas. Donc, voilà. Mais tes chansons, est-ce que tu en écris souvent Non, alors, j'ai pas du tout... Je suis pas du tout une besogneuse de l'écriture à écrire tous les jours pour entretenir la gymnastique et tout. Et pareil, sûrement que je devrais. Mais tu l'utilises. Mais Quand vraiment j'ai une idée où je me dis « Ah ça, ça serait cool » et j'essaie de l'écrire. Ou alors, et j'utilise quand j'ai besoin de nouvelles chansons. Ok, là, c'est une commande de toi-même. Une commande de moi-même. Ok, tu te fais des commandes. Ouais, je me dis là quand même, ça fait trois fois que les gens... Tu peux verser ta glace dans le verre. Ouais, c'est ça. Ça va faire plus... Je peux pas mettre mon jus dedans. Mais, non, parce que là, tu cherchais bien, on doit la tirer, là, je voyais bien qu'il y avait comme... Mais l'humour est quand même assez présent dans ta vie. Parce que tu l'utilises quand même en art dramatique. On te voit souvent dans des activités plus clownesques, plus rigolotes. En fait, c'est parce que les clips. Parce que tu parles des clips là. Oui. Il y a plus de j'ai plus clippé les chansons drôles que les chansons pas drôles, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que les pas drôles, tu te sens mal à l'aise de mettre ça en image. Et ben en fait, c'est parce que c'est. Ouais, j'ai moins d'idées. J'ai moins d'idées visuelles pour les chansons sérieuses. Pourquoi? Alors que, c'est trop sérieux? Bah, je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. C'est juste que les drôles, j'ai tout de suite des blagues où je me dis ah ça serait marrant et ça me fait marrer de le faire. Okay. Alors que sur les sérieuses, je me dis merde, qu'est-ce que je pourrais bien mettre dedans qui parle de la chanson sans que ce soit illustratif. J'ai toujours peur que ce soit mièvre ou tu vois. Je trouve ça vachement plus difficile. Et donc c'est vrai que là, au stade où j'en suis, comme il y a plus de chansons drôles qui ont été clippées. Les gens reçoivent plus cet aspect-là de mon travail. Ouais. Pourquoi elle a une cagoule alors qu'il fait chaud? Donc tu veux peut-être modifier tout ça? Eh ben, j'aimerais bien que le prochain qui sorte, ça soit sur une chanson pas drôle, pour rétablir un peu l'équilibre. Mais pas drôle, tu veux dire plus sérieux? Oui, ou plus sérieux. Mais en fait, les drôles, elles sont faites sérieusement aussi. Hein. Oui. Mais oui... Non humoristique, ouais. Et dans les chansons, qu'est-ce qui te fait choisir une pièce après l'autre si tu vogues comme ça entre l'humour et le drame, entre guillemets? Attends, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Okay. Je veux dire, quand j'ai un thème à traiter... Non, sur scène, lorsque tu places tes chansons... Ah, dans l'ordre? Oui, c'est ça. L'ordre des chansons? Oui. Alors, c'est le... En fait, j'essaie qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une cohérence dans l'ordre des chansons, dans les transitions en fait. C'est-à-dire que je me dis, je mets telle chanson avant telle autre, parce que ça va avoir du sens. Et peut-être qu'entre les deux, je vais pouvoir dire une phrase qui va être drôle et qui va relier les deux. Ou alors entre les deux, faire un sketch avec les comédiens qui va amener à la suivante. C'est des comédiens musiciens Avec les. Non, les musiciens, pardon. Okay. J'ai dit comédiens? Oui. Non, les musiciens. Ok. Et en effet, c'est hyper important aussi l'ordre des chansons. Ok. Et comme il y a des changements de costume, ça aussi, ça m'aide à savoir laquelle je mets après l'autre. Pourquoi il y a des changements de costume? Eh ben, il y a certaines chansons, ça me fait marrer de les illustrer en m'habillant de telle ou telle façon. Par exemple, il y a une chanson être à la piscine. Et du coup, je débarque en maillot de bain. Voilà. Okay. Et après, pendant... Avec le casque, non? Avec le bonnet de bain? Ça, les musiciens, ils mettent le bonnet et pour avoir l'air moins ridicule. Oui, voilà, moi je laisse le plus gros du ridicule aux autres. Voilà. La fille, c'est la chanteuse, donc... Ceci dit, le maillot de bain, il faut y aller quand même aussi. Ouais, faut quand même être assez impudique. Ouais, bah alors moi ça va, tant que c'est pour faire marrer, il n'y a pas de problème. Ok. Mais faut pas que ça soit vu autrement. Non. Ok. Mais en même temps, tu te maintiens, tu te tiens sur scène un peu pour avoir l'air rigolote et non pas pour avoir l'air sexy. Ouais, tout à fait. J'aurais beaucoup de mal pour avoir l'air sexy. Là, je serais hyper pudique. Je trouverais ça hyper dur. J'aurais vachement de mal. Mais comme c'est de l'autodérision, je peux tout faire, mon autodérision. Ouais, mais comment tu peux changer de vêtements en une chanson de 3 minutes et demie? Alors, je change entre les chansons. Oui, je me casse en coulisses. Je me change. Pendant ce temps-là, les gars, ils font un truc sur scène. Ok. Ils jouent de la musique. Ils jouent pas. Il y a un monologue. Non, on joue sur le fait, justement, sur l'attente. C'est-à-dire, Ok, la fille, la chanteuse, elle s'est barrée. Ouais. Là, on sait pas si c'est conforme. Ouais, c'est ça, elle s'est barrée. Okay, qu'est-ce qui se passe? C'est okay, ça. Okay, c'est pas mal. Ouais. Okay. Alors, il faut vraiment qu'eux aussi aient un petit côté comédien. Ouais, mais alors, pour le coup, ils sont pas du tout comédiens à la base. Mais c'est pas grave. Mais ils me font le plaisir de jouer le jeu. Et quand on travaille la mise en scène, c'est moi, en fait, qui les dirige. C'est toi? On est trois sur scène, ouais. Okay. On est trois dans les meilleures des conditions, c'est-à-dire quand le plateau le permet, en taille et quand... Le budget aussi, là. Le budget aussi, ouais. Mais sinon, vous êtes deux? En fait, il y a les trois formules. Soit on est trois, c'est le mieux, soit on est deux, soit je suis toute seule, mais ça, c'est plus rare. J'aime pas trop jouer toute seule. Ouais, mais là, toute seule, tu peux pas changer de... Ah bah, toute seule, je change pas. Ok. Ouais. Et là, tu attaques de front, là, quand t'es toute seule. J'attaque de front. Ok. Alors, tu enchaînes tes 10. J'enchaîne, ouais. Avec le monologue, avec des monologues. Avec des petites phrases. C'est pas des monologues, c'est des petites phrases entre les chansons. Et tu laisses-tu en étant seul, est-ce que tu mets beaucoup plus de place à l'improvisation ou pas du tout? Tu veux que ce soit carré, tu veux que ce soit. Tu t'en pas à l'aise avec l'improvisation? Je laisse une petite. Enfin, je laisse la place si le public propose quelque chose. Okay. Mais moi, de moi-même, j'irai pas changer un truc. Mais là, actuellement, tu laisses la place davantage à la chanson qu'à ton côté comédien. Là, dans mon actualité, le projet chanson prend beaucoup plus de place que le reste, ouais. Et c'est voulu? Mais c'est pas... Non, c'est pas spécialement voulu. Parce que là, il n'y a pas de demande, donc... Exactement. Tu veux pas attendre, donc tu te mets dans l'action. Exactement. Ben oui, parce que tu as envie. Envie-tu si tu travailles... Non, alors j'en vis pas. Et, alors, mais t'as j'ai, un boulot? Non, j'ai pas de boulot. OK. Je vis du RSA. Ok. Alors tu essayes de, à un moment donné, qu'il se passe quelque chose. J'essaie. En fait, je sais pas si tu connais le système des cachets pour avoir l'intermittence. Oui. Donc j'essaie de faire un maximum de cachets. C'est ça? Ouais. Mais tu vois, je fais des cachets, mais j'en fais pas assez. J'arrive pas à boucler pour. Donc il y a certains mois où j'en fais trop et alors je perds mon RSA. Okay, et après, il faut que je le redemande et tout. Je suis un peu dans un entre-deux. Mais tu peux pas diviser ça sur plusieurs mois. Non. Si tu fais 10 spectacles en un mois puis l'autre t'en fais deux, tu peux pas récupérer puis passer ça en ouais. C'est un peu tassif. Ouais. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. OK. Mais est-ce que tranquillement, tu sens que. Tu as combien de concerts actuellement à ton actif? Bonne question alors là. Il faudrait que je regarde sur mon site. Ils sont tous répertoriés, mais. Mais j'en ai aucune idée. Okay. 50 peut-être? Ok. Mais est-ce que tu sens qu'il y a un public qui te suit? Ça se trouve, j'ai dit un chiffre beaucoup trop gros, j'en sais rien. Non, par exemple 40. Entre 30 et 50, je pense. Ok, voilà. C'est comme les chansons tantôt, on n'est pas. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a un public qui te suit? Est-ce que Oui. Alors ça commence à faire boule de neige? Oui. Enfin, oui, pour toi? Ouais, non, mais j'ai vraiment un public qui me suit et surtout qui se développe de plus en plus. Je remplis des jauges de plus en plus grandes. Donc ça, c'est chouette. Et le médium disque, est-ce que c'est quelque chose qui te tire le pin? Le médium de sortir un disque, tu veux dire? J'en sors un là, j'en ai sorti un premier EP. Ok, 4 titres? Alors, 5 titres. 5 titres, ok. Et j'en sors un deuxième. Est-ce que tu m'en as amené un? Non. Ok. Mais il est vieux celui-là de toute façon. Il y en a un qui sort à la rentrée, je te l'enverrai. Okay. Ok, parfait, oui. Ok, je te donnerai mon adresse physique. Puis, ouais. Okay. Excellent. Ouais. Mais l'autre, le son est pas assez intéressant? Bah ouais, là c'est vraiment la première fois que j'enregistrais des chansons et tout. Et C'est très artisanal quoi, on a enregistré ça. Et l'autre, celui-là qui paraît... Celui qui sort là, il est beaucoup... 7 titres. 7 titres, ok. Et il est beaucoup plus produit que celui que j'ai sorti il y a 3 ans. Est-ce que tu vas reprendre des chansons du premier? Non. Okay. Mais sur scène, tu fais les deux? Ouais, sur scène, il y a les deux. Ok. Est-ce que tu penses éventuellement faire une captation de ton spectacle? Ouais, il y en a... En fait, il y en a une qui a été faite à la dernière représentation, mais... Quand ça? En février. Ah, je l'ai pas. Mais je l'ai pas sorti. Ah, ok. Mais si tu veux, je te filerai un lien privé aussi. Parfait, okay, parce que ouais. Je suis pas sûre de le sortir encore. Okay. Et probablement qu'il y aura... Est-ce que le son est intéressant? Bah, c'est justement parce que le son est pas terrible que j'ai, okay, pour le moment, décidé de pas le sortir, okay, parce que c'est un peu limite. Mm. Donc, et là, il y aura une captation au concert de sortie de disque au mois d'octobre. Ah, oui, ok. Avec quoi? Avec du matériel professionnel ou c'est des amis à toi qui vont... Ouais, avec du matériel professionnel, mais ce sera des amis à moi, mais ce sera quand même du matériel professionnel. Oui. Ah, c'est pas mal. Ouais, okay. Ouais. Donc, tu vas avoir le EP qui va sortir. J'ai l'EP qui sort en septembre, le concert de sortie de disque qui a lieu en octobre. Et tu veux quoi? Mettre ça sur un CD aussi, le live, entre guillemets? Non, je veux juste faire un petit teaser, tu vois, une bande-annonce. Ouais, de maximum 3 minutes. Avec plusieurs titres, là, ouais. Un montage de ce que tu fais pour pouvoir présenter ça à des tourneurs ou à des... Exactement. C'est ta carte de visite. Exactement. Une carte de visite. Ouais. Visuelle et sonore. Exactement. OK. Mais alors, là, ça commence à prendre de l'intérêt, là, avec ton EP. Es-tu stressé de l'accueil? Un peu quand même. Bah ouais, ouais. Mais après, j'ai déjà eu des premiers tours, là, qui sont réconfortants. Donc, OK. Parce que j'ai déjà commencé un peu à l'envoyer aux pros, et tu sais. Et puis? Donc j'ai eu des bons retours. Ok. Donc je suis contente. Mais est-ce que c'est beaucoup de travail pour arriver à ça? C'est horrible. Oui, hein, c'est incroyable. Hein. Les gens quand peuvent pas imaginer que... Et surtout quand t'es tout seul, en fait. Alors par tout seul, j'entends évidemment, là il y a plein de gens qui ont travaillé avec moi. Hein. Je les remercie d'ailleurs. Mais quand souvent. T'es... Non, j'ai pu les payer un petit peu, okay. Mais pas assez du tout. Ok. Parce que tu essayes de trouver des moyens financiers? Bah, c'est les miens, en fait. Ok. Ouais, mais en travaillant pas, t'as pas beaucoup de moyens financiers? Bah, là, par exemple, le P, je l'ai financé avec des économies que j'avais rassemblées depuis longtemps, tu vois. Okay. Et puis, là, je vais travailler avec un attaché de presse. Ah, c'est et pas là, mal, c'est... Ah, c'est là, c'est ma mère qui m'a donné les sous. Ok, ok, bon, c'est gentil. Ouais. Parce qu'elle croit en toi. Ouais. Elle aime bien ce que tu fais. Elle aime bien, elle adore, ouais. Ah, mais c'est bien, c'est ouais. Bien. Alors, t'es encouragée par tes proches, par les racines. J'ai de la chance, ouais. Ouais, ok. Très encouragée par mes proches, ouais. Et puis, est-ce que tu sens, depuis le début, ça fait combien d'années que tu m'as dit que tu t'étais lancé en chanson? 4 ans. Est-ce que tu sens... Attends. 4-5 ans? 4-5 ans, ouais. Est-ce que tu sens une certaine progression dans ton style? Oui. Bah alors, pas sur l'écriture. Ok, comme pourquoi? Je pense que j'ai toujours exactement le même style. Tu vas trouver ta voix au niveau de l'écriture. Oui, je pense que je l'avais dès le départ, en fait. Ok. Et par contre, sur la... Tu goûtes à manger de pain? Non, merci, ça va. Oui. Il est bon? C'est excellent, c'est le meilleur ici. Ah ouais? Oui. Et sur la musique, par contre, justement, là, sur l'EP, on a quand même cherché un peu... Et ouais, j'ai progressé, ça a évolué beaucoup. Okay. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, c'était piano-guitare, voix. Mm-hmm. Et c'était très chanson française, classique. Alors variété. Oui, alors ouais. ça l'est toujours. Mm-hmm. Non, mais ça l'est toujours, mais c'est beaucoup plus rock maintenant. Okay. Ah. Maintenant, il y a un batteur sur scène, okay. Guitare électrique, guitare ah, oui, folk. Ça s'appelle la différence. Donc ça n'a plus rien à voir. Okay. Et puis au tout départ, il n'y avait pas du tout les changements de costumes et tout le bordel. C'était d'une facture beaucoup plus classique aussi, le concert. J'enchaînais les chansons. En disant 2-3 trucs entre et point barre. Donc en fait, le style a surtout évolué scéniquement et puis musicalement, là, en 4 ans, ouais. 50 mètres carrés, mitoyens sur jardin. Le voisinage ronronne dans les draps du matin. En bas, Jean-Louis se lèche les poils devant un dessin Picasso. Et c'est beau. Le cadet dort encore. L'aîné descend l'échelle. L'aîné saute un barreau. Le cadet se réveille. 8h du mat, lit des parents. Réveil musclé à 4 de temps. Et vlan. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Ça fout la pétoche. Deux bols de Coco Pops en avant pour Bambi. Deux cafés de tartines en avant pour Bowie. Jean-Louis Mieux qui voudrait sortir. Juillet cogne au carreau. Et c'est chaud. Midi les invités. Jacques a dit range-moi tes jouets. Préparez la terrasse. Chaises en plastique et muscadet. À trois ton vaisseau Han Solo. Finis sa course au barbecue. Puis c'est tout. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Et une partie de pétanche. Les chipons cramés, les brochettes dégoulinent. Les copains du lycée reviennent sur les copines. Les 15 ans, les 20 ans, Cécile Giroux, Madame Ferrand. Avant, avant le petit dernier, il y a eu le premier. Avant le pavillon, le studio rue Pasquier. Avant Isabelle et Simon, foudroyés un soir quelque part. D'autres histoires. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Sacré paire de manches. Le barbecue des trempes dans une bassine bleu pâle. Et les boules de pétanche dorment à la belle étoile. Les cartables à roulettes récitent dans l'escalier en pierre du Prévert. 50 mètres carrés mitoyen sur jardin. Le voisinage s'endort. Métro, boulot demain. Picasso bail devant. Jean-Louis, Chewbacca et Solo. Sododo. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue, les enfants, le dimanche. Le couple, la banlieue. C'est beau aussi quand on y penche. Mais j'avais une question que j'ai perdue en t'écoutant. Ah oui! Ben là, tu viens de sortir. Tu prépares un peu, mais qui est déjà terminé. Là. Il est sans doute super, ça. Tu l'as déjà physiquement? Alors non, je ne l'ai pas encore physiquement. Okay. Sinon, là, je pense que j'aurais. C'est l'ovio que j'ai pas pensé à toi. Ok, mais là, le mix a été fait. Okay. Il est terminé, il manque juste le pressage. Ok, c'est ça. Alors donc, il est en production. Ouais. Hein? On est en train de travailler là. Est-ce que c'est compliqué de trouver l'enchaînement sur un album? Ah ouais, c'est hyper dur. Ça, j'adore cette question-là. Oui. Je me suis arraché les cheveux, okay. Particulièrement sur celui-là. Mais il reste sur encore beaucoup, hein, fais-toi-en pas. Ouais. C'est pas mal. Oui. Ah non, mais là, c'était affreux. Mais justement, aussi parce que comme il y a des trucs drôles et des trucs pas drôles, bah, c'est pas évident de... que ça soit fluide. Parce qu'en fait, tu parles pas dans ce bah, c'est ça, c'est qu'en fait, sur scène, c'est extrêmement cohérent, c'est hyper fluide. Parce qu'il y a la mise en scène qui aide, il y a en effet les trucs qu'on dit entre les chansons et tout. Et c'est, il n'y a rien de surprenant. Enfin, comment dire, oui, c'est surprenant ce que je fais sur scène, les gens trouvent, mais En tout cas, personne se dit, personne se dit on passe du coq à l'âne, c'est un peu bizarre. Okay. Ça coule de source, tout s'enchaîne très bien. Mais sur le 10, c'était plus difficile. Alors, comment ça s'est concrétisé? Tu en as fait écouter à tes proches, à tes amis? Pas tant, non. Donc, c'est beaucoup le réal qui m'a aidé là-dessus. Et puis, deux autres personnes. C'est un ami à toi, le réalisateur? Alors, c'était pas un ami à moi à la base et on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble et c'est devenu un ami. Ok, ouais. Ok. Mais au départ, je l'ai rencontré parce qu'il avait réalisé l'album d'un ami. J'avais trouvé ça bien et du coup je l'ai contacté et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors tu as des amis musiciens et là tu commences à trouver ta... Oui là ça y est, j'ai rencontré ma famille. C'est ça, tu as le circuit. J'ai le circuit, j'ai le réseau. Ah ouais. Voilà, ok, c'est facile. Ouais, ouais. Ben, facile. Bah, ça prend du temps aussi mine de rien. Oui, ouais. Oui, oui. Ouais. Ben, il faut se faire voir. Si tu ne peux pas voir, comment on peut savoir que tu existes et que tu fais de la musique et du théâtre? Donc, comment ça s'est passé encore le cheminement pour les placer sur ton disque? C'est des nuits à ne pas dormir? Oui, exactement. Je savais, le seul truc que je savais, c'était la première. Je savais par laquelle je voulais commencer, j'étais sûre. Pourquoi? Parce que tu sentais que c'était elle qui était... Je sais que c'est aussi par celle-là que je commence en concert. Ah! Et ça me paraissait évident. Je sais déjà qu'elle marche en première chanson. Et je voyais pas comment elle pouvait être ailleurs dans le disque. Mais c'était la seule évidence que j'avais. Mais ce qui était, on va revenir après au classement parce qu'on n'a pas fini, au contraire. Ah, tu vas creuser. Oui, je vais creuser. Mais donc, ces chansons-là ont vécu avant de se trouver sur un album. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est comme Philippe Catherine qui avait fait deux albums, un album un robot. Après tout. Ouais, après tout. Après ça, il a fait studio parce qu'il trouvait que le premier, il sonnait trop studio, donc il a fait un peu plus concert parce qu'il avait fait un spectacle. Ah putain, je savais pas. Oui, il y a deux versions du même disque. Ah la vache. Oui. Ah ouais. Oui. Donc toi, tu l'as fait sur scène et après ça, tu l'as placé sur une pastille. Ouais. Et par la suite, après la première chanson, c'est bien beau, on l'a ici là, on a la morse, mais le reste, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Alors je sais plus comment on a... Mais c'est juste toi qui as décidé, non pas l'entourage. Non, mais alors j'ai heureusement que Shadi Schumann qui a réalisé le disque m'a aidé et Chloé Kaufmann aussi qui a fait le graphisme et la direction artistique de la pochette. C'est elle qui a fait la pochette. Mais avais-tu une idée de la pochette? Comme c'est alors, moi j'avais une idée et en fait ensuite de discussion en discussion avec Chloé, on est parti sur complètement autre chose que l'idée que j'avais au départ. Et au final, c'est plus son idée que la mienne, là. Le visuel que tu as pu voir avec la cagoule. Oui, oui, oui. Ton idée première? Non. Moi, mon idée première, c'était... Alors, c'est ça, la pochette? Ça, c'est la pochette, oui. OK. Intéressant. Oui. Entre les deux garçons? Ah non, je suis pas entre deux garçons. Ah non! Non, ça, c'est une image du clip que tu as vu. OK, OK, parfait, OK. Ah, t'as peut-être pas vu la pochette, alors? Peut-être que non. Tu veux que je te la montre? Ben oui. Ah, c'est sur ton cellulaire? Oui, bah, elle est partout sur les réseaux, en fait. OK. Attends. Je vais aller sur ma page, plutôt. Ah non, ça, c'est l'affiche. J'y suis bientôt. Voilà. Je te mets là. Ouais. Ah oui, OK. Hey, super. Merci. Veuillez croire. Parfait. Et puis là, c'est celle-là qui est sortie du lot. Pourquoi? Alors, en effet, on a fait plusieurs... au shooting, on a fait plusieurs versions, plusieurs idées. Ouais. Et c'est celle-là qu'on trouvait la plus marquante. La plus représentative du disque. Oui, bon, pas forcément parce que les autres l'étaient aussi, mais celle-là, elle était plus originale. Et elle ramenait un peu d'enfance qu'il n'y avait pas sur les idées que j'avais proposées moi. OK. Alors, c'est bien d'avoir un regard extérieur parce que toi, tu es pris dans ton, dans ton univers. Ouais, ouais, c'est bien. Alors, ouais. Tu fais confiance également, mais il faut que ça coïncide avec ce que tu veux. Oui, oui, oui. Et tu... Bah là, on arrive à ce résultat. Ouais, ouais. C'est bien. Est-ce que tu es exigeante? Oui, je pense que je dois être un peu chiante. Ah, chiante? Non, mais je suis perfectionniste, en fait, okay. Alors... Mais au montage, est-ce que tu es le genre de personne à jamais savoir à quel moment, OK, on finit, on termine, et puis c'est le, on lui touche plus, puis on... Tu parles de la... Ben, quand tu fais ton album, OK, quand tu as monté... Tu parles plus de la musique? Oui, exactement. Non, ça, je pense que ça a été ça. Mais tu l'avais déjà fait sur scène, donc tu savais un peu à quoi t'as... À quoi... Bah, en fait, pas tellement. Enfin, en entrant... C'était pas du tout précis sur les arrangements. Okay. C'était précis sur les structures, évidemment, parce que les chansons, elles étaient faites et tout. Et sur l'évolution dans les chansons, c'était précis. Mais sur ce qu'on allait mettre comme instrument dessus, ça l'était pas tant que ça, ouais. Et les autres chansons se sont enchaînées comment sur la, dans sur l'ordre. La liste? Ouais, sur l'ordre des... Alors... Pourquoi la dernière est vraiment la dernière? Pourquoi elle ne s'est pas logée dans les... C'est le rythme aussi que tu voulais donner, sans doute? Un rythme sur la... En fait, ça a plus été de... Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça, c'est le rythme. C'est le rythme. Et là, toi, tu connais ton petit bébé, tu l'as écouté? Tu l'as déjà écouté? Ah oui, oui. Au complet, dans son intégralité? Oui, ouais. Tu en es fière, sans doute? Oui, oui, je suis contente. Et là, est-ce que maintenant, il y a une petite angoisse de l'accueil que tout ça va donner? Bah oui, oui, bien sûr. Et comme je te disais, je suis un poil rassurée par les premiers retours, mais... Mais ouais, j'ai quand même un peu l'angoisse. Et là, tu as arrêté l'écriture pour te consacrer à cet album-là? Ouais. Non, bah, j'en ai quand même écrit 3-4 autres depuis, okay. Depuis le travail. Est-ce que ton concert s'est modifié avec le temps à force de jouer ou si tu avais déjà une structure qui est restée la même, mais tu as joué un peu avec l'intérieur du noyau pour... Non, il s'est vachement modifié, comme je te disais, avec l'arrivée de l'idée d'être en costume et tout ça. Okay. Errance rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Une fois que les costumes étaient faits, est-ce... Ah! En fait, il y a l'ordre des chansons qui bouge un peu d'un concert à l'autre. Ah, c'est jamais pareil. Ça peut changer. Mais là, en fait, celle-là, elle serait mieux là. Ou alors, il y en a une nouvelle. Et il y a une nouvelle chanson, donc où est-ce qu'on la met? Et ça modifie tout le reste. En fait, tu souvent des nouvelles chansons pour casser... On appelle ça casser une chanson. Ouais. Je ne sais pas si l'expression est dite chez vous, là, casser une chanson. Non, je ne connaissais pas, mais c'est assez juste. Oui, on va casser une chanson, on va la faire pour la première fois sur scène. Ah oui, ouais. C'est bien le terme casser une chanson. Ouais, ouais, ouais. Alors, es-tu traqueuse quand tu. Exemple, tu viens de faire 3 chansons, mais tu vas en casser une devant le public. Ouais, ouais, ouais. Si ouais, la réception ouais. est assez ordinaire, tu dis, ouais, je ne sais pas si c'est le bon moment. Eh ben, ouais. OK. Mais tu te lances quand même. Ouais, tu le fais quand même. Et puis, normalement. Bah, jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Est-ce que tu peux être surpris de l'accueil des chansons? Ouais. Par exemple, il y a des chansons qui marchent du tonnerre, alors que j'aurais pas dit qu'elles marcheraient du tonnerre. OK. Et d'autres que tu croyais qui allaient rouler? Et parfois, d'autres où je me dis, bah quand même, celle-là, il y a quand même beaucoup plus de travail sur l'écriture. Ah oui, bah ouais, mais parce que nous, on connaît pas le travail que tu as fait, c'est ça. Nous, on voit le produit fini, donc on n'est pas... Toi, tu sais très bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Mais par exemple, il y a une chanson, la dernière chanson qui a été clippée, là, La Loose, celle où j'ai la cagoule avec les deux gars, là. Celle que j'ai vue. Ah d'accord. En fait, c'était vraiment une blague au départ. Je l'ai jouée devant des potes. Et en fait, moi je m'étais dit, bon, c'est une petite chanson, je pensais même pas l'amener sur scène. Je l'ai écrite vraiment hyper vite. Mais ça va plaisir, je l'ai composée hyper vite aussi. Et en fait, ça a tellement bien marché que je l'ai amenée sur scène. Et sur scène, ça a hyper bien marché aussi. À tel point que les gens me disaient, mais en fait, c'est celle-là, presque celle-là la mieux et tout. Donc et finalement, elle est sur le disque maintenant. Donc tu vois, des fois, on ne sait pas dès le départ. Est-ce que dans la vie, tu es une fille qui est tourmentée ou une fille rigolote? Ou les deux ben à la les fois? Deux. Non, ben c'est ça, j'allais terminer avec les deux à la fois, ouais. Mais il y a des moments où tu es plus libérée. Comme là, tu dois être quand même dans une des très bonnes périodes. Ton album va sortir, ça commence à bien fonctionner, les gens vont t'accueillir, vont te connaître. Ou si là, tu vis... Non, je suis hyper stressée, là. Regarde, c'est ça, OK. Okay. Il y a plein de trucs à gérer. Toi qui t'autogères. Et c'est moi qui autogère tout. Et donc, tu vois, là, il fallait organiser un concert de sortie de disque. Ça serait bien que j'ai d'autres dates ensuite. Pour le moment, j'en ai pas d'autres. Okay. Mais c'est quand, en septembre? Je travaille avec un attaché de presse, c'est la première fois de ma vie, donc c'est stressant. Mais c'est déjà bien d'avoir un attaché de presse, il y en a qui roulent depuis des années et qui n'ont pas d'attaché de presse. Bah ouais, ouais. Mais comment l'attaché de presse s'est présenté à toi ou c'est toi qui as été chercher l'attaché de presse? C'est moi qui suis allée chercher sur les conseils de collègues à moi qui avaient travaillé avec lui. Et est-ce en que fait, c'est le même qui t'a proposé le réalisateur de ton album? Non, pas du tout. Okay, okay. Et en fait, il s'est avéré que quand j'ai appelé, c'est d'abord avec son assistante que j'ai discuté. Et en fait, elle avait déjà plusieurs fois entendu mon nom et on lui avait déjà plusieurs fois dit c'est super et tout. Donc, ils avaient déjà plutôt un bon a priori sur le bordel. C'est le bordel, ok. Ouais. Ça, souvent bordel aussi. Ouais. Hein? Bordel, je le dis souvent. Ah, moi, je dis, j'adore ce mot. Ouais, moi aussi. Et. Parce que la vie est un bordel. Donc, non, mais alors là, énorme bordel. Ouais, ouais, ouais. Foutoir, mais bordel est mieux qu'un foutoir. Ouais, bordel. Bah, mais foutoir, c'est un peu désuet. Hein? Pardon? Foutoir, c'est un peu désuet, non? Ah, mais je trouve que c'est plus violent foutoir que bordel. Ah ouais? Ouais. C'est peut-être pas pareil. Ben peut-être c'est pour le. Enfin, tu vois? Ah, peut-être. Au Québec et. Ouais, peut-être. Parce que des fois, vous avez des mots que vous utilisez. Pour nous, c'est des. On le disait ça dans les années. Ouais, c'est archaïque. Même le mot archaïque est archaïque, hein? Même le mot archaïque est archaïque, ouais. Et donc, moi, pour moi, foutoir, c'est un peu. C'est un peu moins. C'est un peu plus sage que bordel. Tu vois, c'est un mot un peu moins familier. Ok. Et c'est un peu vieillot, quoi. C'est un peu ringard. Okay. Alors que bordel... Ah, c'est classique. Ouais, c'est contemporain. C'est populaire. Et populaire et contemporain. OK, OK. Donc, c'est en parlant à sa stagiaire ou à son bras droit... Son assistante. Son assistante, ouais, ouais, oui. Ouais. Que là, tu t'es présenté et... Elle m'a dit, ah, bah, je connais... j'ai hâte d'écouter parce qu'on m'a dit que c'était super et tout ça. Et puis là, eux, est-ce que tu les payes ou si c'est... Je les paye. Je te le disais avec l'argent de ma mère. Ok, ouais. Mais eux vont trouver des boulots? Alors non, en fait, l'attaché de presse, il ne trouve pas des boulots. Il s'occupe de faire en sorte, au maximum, que ton projet soit vu et écouté par les professionnels. Donc les médias et aussi par le public. Alors, cette agence-là, c'est parce que c'est une agence, non? Non, ben, oui, c'est une agence de communication. Alors, eux ont plusieurs artistes à leur... Ouais. Eux, ils défendent, ils accompagnent plusieurs artistes. OK. Et ça se limite uniquement à te présenter aux professionnels. Ouais. C'est-à-dire balancer ton disque aux radios, à la presse, aux différents médias, développer ton projet sur les réseaux sociaux. Après, il y a plein de choses qui peuvent être faites différentes. Mais de ton côté aussi, tu peux le faire. Ou si tu as laissé alors, ça pour te laisser. Pour la presse nationale, tout seul, c'est. Okay. Non, mais pour ta propre presse à toi, je veux dire, tu as des amis qui sont dans ce milieu-là, donc tu vas envoyer des. J'ai des amis en presse, tu veux dire? On a des amis dans le milieu artistique, donc tu vas leur en parler pour qu'eux te fassent connaître aussi à travers. Ouais, mais ça, c'est le public. Okay. Enfin, ça, c'est le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant qui m'a permis de développer un peu la communauté qui me suit et le public et tout ça. C'est-à-dire que moi, je m'occupe de faire du contenu et de le balancer sur les réseaux pour être vu un maximum. Donc, je fais des clips, j'organise des dates, je fais des petits teasers débiles et tout ça. Ça, c'est pour être vu de gens qui ne me connaissent pas. Pour susciter l'intérêt. Ouais. Mais là, comme ça, à moins d'avoir de la chance, t'atteins que le public, tu vois. Mm-hmm. Maintenant, les journalistes, sans avoir d'attaché de presse, sur la presse vraiment... parce qu'il y a une presse un peu plus de niche, typée chanson, qui vraiment suit les artistes comme moi qui sont en développement et tout. Donc là, eux, tu peux entrer en contact avec eux sans forcément avoir d'attaché de presse et avoir des articles et tout ça, c'est cool. Mais... si tu commences à vouloir un peu être relayé sur une presse un peu plus nationale ou en radio et tout ça, tout seul c'est compliqué. Ouais, effectivement. Alors il faut un professionnel. Et même sans parler de presse nationale, mais si tu veux vraiment être relayé dans plein de médias, si c'est pas ton métier, d'abord c'est énorme en quantité de travail et en plus il faut savoir le faire. Il faut savoir à qui s'adresser. Puis tu peux pas te concentrer sur ton travail artistique. Exactement. Ouais. Donc moi je le fais un petit peu. Mais c'est pas suffisant, quoi. Non, ok. Parce que tu veux vraiment que ça démarre. Bah, ça serait bien à un moment. Ouais, ouais, parce que là, t'en as marre, il faut que ça démarre. Ouais, j'en ai un peu. Je commence à m'impatienter un peu, ouais. Mais est-ce que tu vois qu'il y a une progression intéressante? Oui, okay. Clairement. Ouais, ouais. Ok. Alors, t'es très positive à ce qui ouais, va ouais, je suis positive. Ouais, ouais. Ok. Belle Margot, mon petit poussin contre ton père, qui est quand même un peu mon frère, je te ferai dire. Avec tes yeux, tes petits poings, ton petit cul, tes cheveux tout fins, tes mollets de môme en poulet, ta peau de lait. Vite, toi, dix ans, je verrai pas venir toutes tes dents. Tes grafouillis roses secrets dans un carnet. T'es belle Margot, mon petit poussin dans les cailloux. Tu rougiras tes genoux qui seront quand même encore à moi, qui seront quand même encore à moi. Dans cette espèce d'espace grand avec des planètes dedans, et puis nous comme des poussières. Sur notre terre avec des trucs, une couche d'ozone, des pommes qui chutent, tout le monde qui trouve ça normal, les étoiles. Belle Margot, mon petit poussin poussant dans le temps, même s'il n'y a pas le feu au printemps, ça trace. Mon petit poussin, passé janvier, on la mordra à la fumée, on y mettra des coups de pied, les doigts dans le nez, ça sera notre nom, alors ça va, même qu'on gravera au bâton. Poussière était mon nom. Poussière était mon nom. Passent les jours et les saisons, frappe la pluie sur les wagons, la mer du Nord en ligne de mire. Triste à mourir, on sait pas tellement raconter. Allez venir, comment c'était? Moi je suis pas, puisqu'il faut dire. Triste à mourir. Deauville, Paris. Fini, t'as dit. Mais je l'aimais pas, moi. De toute façon, ta Normandie. Voilà, c'est dit. La nuit, je sale pas mon oreiller. Le jour, j'ai pas les yeux iodés. Hier je coule pas dans l'eau du soir, demain c'est pas la mer à boire. Comment tu me couches, j'ai pas aimé. Comment ta bouche quand t'es mouillée. Comment au front tes boucles blondes. Comment au bec. Beaucoup trop de blondes. Deauville, Paris. Fini, t'as dit. Et si je l'aimais, en fait, ta Normandie. Si c'était dit, t'as dit mon nom, qu'est-ce que c'était? Quand j'ai dit le tien, j'étais tombée. C'était une chute, mais en volant. T'es pas sonné, toi, finalement. Tombé à terre, mais vers le ciel. Effets spéciaux, j'avais des ailes. Comme si filmé sur un fond vert. La tête en bas, le cœur en l'air. Et la nuit, je sale mon oreiller. Et le jour, j'ai les yeux iodés. Hier, je m'y noie dans l'eau du soir. Demain, c'est l'océan à boire. Comment tu me couchais tout aimé? Comment ta bouche quand t'es mouillée? Comment au front tes boucles blondes? Comment au bec beaucoup trop de blondes? Deauville, Paris. Fini, t'as dit. Et moi, je l'aimais. Je l'aimais. Ta Normandie. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Si une nuit, la mélancolie te donnait envie du petit train Deauville-Paris au petit matin, ou si une nuit dans ta maison t'oubliais la fille des avions et que mon parfum flottait dans l'air, je t'en prie, compagnie de chemin de fer. La Bible, la Torah, le Coran, le Coran, la Bible, la Torah, le Coran, la Bible. Oh là, sujet limite. Les étoiles et les coquelicots. Tu tu tu lulu, tu tu tu lulu, tu tu tu lulu, tu tu tu lulu. À 4h30 de la nuit, d'avoir pas passé la vie, laissé février gagner. Je me fais chier comme un rat mort. T'avais des trucs à me chanter, souvent de la bière à baver. Je bois plus rien et j'ai des remords. J'aurais voulu être moins dur, j'aurais voulu avoir en toi pour que t'aies un peu moins froid. Je suis pas née d'une bonne nature. J'étais qu'un banc banal, rue de Moscou, jusqu'à ton nom bancal sur mon cou. J'étais devenu ton banc, l'inconnu, disent ceux qui sauront pas que c'était Lulu. Y'a quoi de neuf pour toi là-bas, passer l'autre côté de la côte? Ici le train-train des rails de coke côtoie toujours le bourgeois. Tiens, y'a le gros du balcon nord, celui qui faisait pisser son chien sur notre palier les matins. Et bah son chien, il est mort. La fille qu'on trouvait jolie est venue s'asseoir mercredi. Elle a demandé au barbu, vous savez ce qu'il est devenu? J'étais qu'un banc banal, rue de Moscou, jusqu'à ton nom bancal sur mon cou. J'étais devenu ton banc, l'inconnu, disent ceux qui sauront pas que c'était Lulu. Ils vont me couper les quatre pieds, paraît qu'ils veulent plus de parasites comme toi, et que moi j'incite. Demain viennent les ouvriers, ils veulent plus voir la misère dans leur quartier, ça fait pas chic, ça fait pas belle république. Ils préfèrent les gens par terre. J'emporte avec moi ton mot au canif sur mes os. Mercredi, la fille l'a lu. Lulu, elle a dit. Dit la fille l'a lu. Lulu, elle a dit. Lulu. Après un long voyage, je me suis trouvée là. la porte était ouverte sur un grand feu de joie. On chantait des chansons d'or et de liberté. Et pressé dans l'aurore, je m'y suis couché. Dans la maison au toit rouge, les lits sont suspendus. Le piano danse encore et les baleines au loin chantent dans l'Atlantique. Chérie, le temps d'une nuit filant comme une étoile. Fantôme d'un moment vécu comme une image. Que dame fraternité a tenté de son voile. Dans la maison au toit rouge, les lits sont suspendus, le piano danse encore et les baleines au loin chantent dans l'Atlantique. Elle est pas bleue, tabernacle, elle est rouge. Pour ceux qui veulent savoir où l'auberge se trouve, un point pourpre scintille dans le ciel sont pas des cons. Les gens gens gentils ont une écoute, des merdes des autres sans que ça leur coûte. Les gens gentils ont un regard, un vrai qui regarde avec égard. Les gens gentils ont la beauté des fleurs ouvertes sur l'été. Les gens gentils sont pas des cons. Les gens gentils à l'intérieur, des fois y'a la candeur qui pleure. Les gens gentils, toute la bêtise, tout manque d'amour, c'est ça qui pique. Les gens gentils à l'intérieur, tant pis ça palpite brut encore. Les gens gentils sont pas des cons. Sinon sans le faire exprès. Les gens gentils, ils sont pas sûrs. Ils ont le joli doute des cœurs purs. Des cœurs tout nus, même en hiver. Le temps ne fait rien à l'affaire. Les gens gentils sont pas des cons. Chers amis, si Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.